Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro, c'est le journal La Grande Édition de ce 18 mai 2021. Voici les grands titres. Des parents d'élèves en mairie de Bujumbura disent ne pas comprendre comment des questionnaires d'examen en réseau du troisième trimestre ont déjà été choisis au début de ce trimestre avant que les matières ne soient dispensées. Vous entendrez le coup de gueule d'un parent qui s'est confié à notre rédaction. Et le gouverneur de la province Kayanza a décidé ce lundi de suspendre temporairement toutes les activités liées à l'exploitation des mines et carrières en zone Kabouye, et cela en commun accord avec les administratifs et tous les intervenants dans le secteur minier dans cette province de Kayanza. Une maladie non encore identifiée se fait remarquer sur la colline Maguenis et dans la commune Muyinga. La population considère qu'il s'agit de la folie. Notre correspondant là-bas nous la décrira. Et dans la chronique santé, l'on évoquera une maladie psychique que les spécialistes appellent le trouble bipolaire. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Certains parents d'élèves des écoles fondamentales en mairie de Bujumbura disent avoir été inquiétés par le fait que les questionnaires d'examen en réseau du troisième trimestre ont été choisis au début de ce trimestre avant que les matières ne soient dispensées. David Ninganza est membre du comité des parents au lycée Notre-Dame de Rohero. Il s'indigne et demande qu'il y ait une loi régissant ces examens en réseau au niveau national. Suivez-le au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. Tout d'abord, avant de choisir l'examen, on se le fait si la matière est dispensée. C'est dommage alors que les enseignants se mettent ensemble pour établir des questions qui seront à questionner comme examen avant d'enseigner. C'est le programme, c'est l'achèvement du programme qui oriente les enseignants comment ils donnent l'examen. Pour le cas précis, c'était juste au début du trimestre que les enseignants se sont mis ensemble sous la supervision de DCI, direction provinciale, pour traiter les examens qui vont se faire à la fin de l'année, à la fin du trimestre. Vous comprenez que pour nous, en tant que parents, nous avons considéré ça comme un pédagogique. En plus de ça, nous avons vu des défis dedans. Il y a des écoles où les sections se trouvent sur deux ou trois établissements uniquement. Vous comprenez que il y a lieu d'embrasser la matière en rapport avec les examens uniquement choisis au lieu de feuilleter toute la matière. Donc, à ce moment, les enfants risquent d'étudier les questions et réponses des examens au lieu de prendre toute la matière. C'est-à-dire que l'enfant va avancer avec des lacunes pédagogiquement. Vous comprenez qu'il y a lieu aussi à des tricheries. Le trimestre passé, nous avons vu des tricheries, alors que l'examen n'était pas choisi au début de du trimestre. Avez-vous approché le directeur provincial de l'enseignement à mairie de Bujumbura? Je vous assure que moi-même, j'ai approché la direction provinciale. Non seulement ça, il y a eu un débat entre le directeur provincial de l'enseignement, un des inspecteurs et moi-même. Sur une des radios ici à Bujumbura, on a émis ces inquiétudes. Nous avons montré nos inquiétudes dans le sens de trouver une solution sage et pacifique, mais en vain. Et le directeur provincial de l'éducation en mairie de Bujumbura, que nous avons pu joindre au téléphone, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Un enseignant d'une école fondamentale de Moussigati en province de Bobanza est détenu au cachot du commissariat provincial de la police de Bobanza depuis ce lundi. Il a été transféré après 3 jours passés au cachot de police en commune Moussigati. Et selon des sources policières, ce prévenu est accusé d'avoir engrossé son élève en lui promettant des points de plus. Selon les déclarations de l'enfant, au parquet de Bubanza, on indique qu'on est en train d'enquêter sur ce cas. Les défenseurs des droits de l'enfant à la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi déplorent les faits et demandent que cet enseignant soit sanctionné conformément à la loi une fois sa culpabilité prouvée. Certains consommateurs du sucre de l'intérieur du pays déplorent le manque de ce produit. S'exprimant ce lundi dans l'émission Aiwanyu Havugwamaki de la radio Isanganiro, ils ont demandé l'approvisionnement en sucre. Suivez-les. Je m'appelle Isaïe Touchakoto à Kigamba. Nous avons un problème de sucre, on n'en trouve pas. Nous demandons aux autorités habilitées de nous donner le sucre, car c'est très important. Ici à Kigamba, il n'y en a pas. On nous dit que dans quelques jours, le sucre sera disponible. On attend. Nous souhaitons qu'on trouve une solution rapide à ce problème, car nombreux sont ceux qui en ont besoin. À Kigamba, le sucre est vendu par un commerçant. Il arrive qu'on fasse la queue et qu'on rentre très douille. Si on en trouve, le kilo s'achète à 2500 francs bout. Pour avoir du sucre, c'est une question casse-tête. Moi, je suis en commune Nyabitsinda dans la province Ruyigi. Ici, ça va, seulement il s'observe un manque de sucre. Comment se présente la situation chez vous? Certains ne prennent plus le thé, ça fait un beau bout de temps, autour de 3 mois. Le sucre se raréfie. Actuellement, certains des restaurateurs ferment les portes. On ne le dit plus vraiment à l'administration car nous côtoyons les commerçants et leurs supérieurs. Ce sont eux qui suivent de près la situation. Nous ne sommes que des observateurs, mais cela a des conséquences sur nous. Certains disent qu'ils vivent la situation comme nous. C'est Jackson à Mwakiro. Franchement, le manque de sucre devient problématique. Ceux qui vendent le thé le font aujourd'hui à 200 francs bout, alors qu'avant c'était 100 francs. On n'en trouve même pas. Celui qui vend du sucre le fait en cachette, comme si c'était de la drogue. En fait, les commerçants ne sont pas approvisionnés. Je pense qu'il n'y a pas de sucre à la Sosumo, ou bien ça va ailleurs. Qu'on ait ce sucre, car si un habitant manque du thé, c'est très dur. Et c'est la même situation dans les zones urbaines de Kamenge et Gihoshia. Des habitants de ces zones qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio Isanganiro font savoir que le kilogramme s'achète à un prix variant entre 3000 et 4000 francs burundais. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème de pénurie de sucre. Ici dans la commune Nahangwa, précisément dans la zone Gihosha. Moi j'habite dans le quartier Nyabagere, là où j'habite vraiment il n'y a aucun sucre. Puisque à travers toutes les boutiques qu'on voit ici, il n'y a absolument rien. C'est pour cela que nous avons ces problèmes. Les problèmes causés par le manque de sucre dans la société est énorme. Puisqu'il y a les enfants qui vont à l'école sans boire du thé. Il y a même les malades qui sont à l'hôpital, ici et là, qui manquent de sucre pour voir comment est-ce qu'ils peuvent évoluer leur santé. Pour le moment, vraiment, la situation, vraiment, tout le monde pleure à propos de ça. Comme nous, on a des petits-enfants, pour aller à l'école, il faut boire un peu du thé. Ça devient vraiment catastrophique. Les conséquences sont très, très, très majeures. Parce que pénurie de sucre, vraiment, tout le monde pleure. Même les vendeurs, même nous, les consommateurs, on pleure tout. Pour le moment, à certains endroits, on achète à 3000, à d'autres endroits, on les vend à 4000 francs. Et pour trouver ça, c'est très, très, très difficile. Le gouvernement, vraiment, il fait tout moyen, tout possible pour regarder comment il peut mettre toutes choses à la ligne, vraiment, parce qu'il nous souffre beaucoup, vraiment. Nous demandons à l'État c'est qu'il puisse augmenter la production du sucre pour que chaque Burundais puisse avoir au moins un kilo par famille. Ce que nous demandons aux vendeurs de sucre, nous les demandons à ce que si une fois le sucre a été distribué chez eux, qu'ils puissent donner le sucre aux consommateurs. Puisque si une fois ils continuent à cacher ce sucre, nous demandons à ce que le gouvernement puisse prendre toutes les mesures possibles à ce que le sucre distribué puisse être donné aux consommateurs. Voilà, c'était des habitants des zones urbaines de Kamenge et Gihosha. Le directeur général de la Sosumo dit que la quantité produite au sein de cette société est suffisante. Aloïse Naïkengrukiye demande à l'administration de s'impliquer dans la commercialisation du sucre et surtout de sanctionner les spéculateurs et à la population de dénoncer ces derniers. Il est 13h05 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une maladie non encore identifiée se fait remarquer sur la colline Mageni de la commune Muyinga. La population considère qu'il s'agit de la folie car la personne atteinte par cette dernière se met à courir et bat ceux qui tentent de l'aider. Il ne se calme qu'après les prières organisées à l'église Pentecôte de la localité. Au bureau provincial de la santé de Muyinga, on indique que leurs systèmes d'information sanitaire ne sont pas au courant de l'existence de cette maladie. Toutefois, Dr Eric Ngunzimana recommande à la population de se rendre à la structure de santé la plus proche chaque fois qu'un problème de ce genre surgit et de ne pas se contenter de la seule prière. Correspondance depuis Muyinga de Pierre Claver Barundi. Une trentaine de personnes de la colline Mageni en commune Muyinga sont déjà atteintes de cette maladie, selon Emmanuel Gahitira, chef de cette colline. La population de la localité qualifie la maladie de folie, car les malades se mettent à courir et ne se calment qu'après une séance de prière. Fabien Bassekahino est un serviteur de Dieu à l'église de Pentecôte de Mageni. Il indique comment cette maladie se manifeste et comment il prie pour les malades. D'après lui, c'est une maladie démoniaque. Nous pensons que cette maladie est causée par des esprits malsains ou des démons. Quand une personne l'attrape, il se tient debout et semble réfléchir. Ensuite, son regard change et il se met à regarder à gauche et à droite. Dans ce cas, les proches essaient de le maîtriser, mais ils se mettent à se défendre en leur rouant des coups. Quand nous prions pour lui, le malade se calme, mais son mal reprend après un certain temps. Au bureau provincial de la santé de Muyinga, on indique que les services du système d'information sanitaire ne sont pas encore au courant de l'existence de cette maladie. Toutefois, Dr Eric Ngunzimana, directeur de ce bureau, recommande à la population concernée de ne pas se contenter des prières, mais de consulter les structures de santé. Chaque fois qu'il y a une situation particulière, nous demandons à la population d'abord de consulter les formations sanitaires, les centres de santé proche de leur localité et qu'ils reçoivent les conseils en rapport avec leur santé, reçoivent aussi les traitements. Les sources de Mageni font savoir aussi que les jeunes de 12 à 17 ans sont les plus concernés. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver. Toujours dans les nouvelles de Provence, les habitants de Guihanga de la province de Bubanza déplorent le fait que le ticket de transport a été rehaussé de 1000 à 1500 francs burundais suite aux routes inondées par la rivière Kajeke. Pour traverser la partie inondée, un passager doit être transporté au dos ou à vélo pour arriver sur la route nationale numéro 5. Les champs de riz et de maïs ont été abandonnés car impossible d'y accéder. Au niveau de l'administration, on explique qu'on est en train de tout faire pour que cette rivière retourne dans son lit initial. Space Caritas Kawanyana. Les routes de Guihanga qui mènent vers la RN5, route Bujumbura-Cibitoke, qui sont aussi appelées transversales, sont impraticables actuellement. À la 5e transversale, par exemple, qui passe par le chef-lieu de la commune, un passant doit payer 500 francs, 1000 francs, jusqu'à 1500 francs pour qu'il soit transporté sur vélo ou sur le dos. Un trajet qui était payé 300 francs pour le taxi-vélo est actuellement payé 1000 francs jusqu'à 1500 francs. Le ticket de déplacement qui était de 2300 francs jusqu'à Bujumbura est actuellement 3000 francs pour un véhicule qui accepte de passer dans ces courants d'eau. Balengayabo Désiré, représentant de l'association des transporteurs de Guihanga, a fait savoir que 4 véhicules de type Probox ont été complètement endommagés par ces eaux. Plus de 20 autres sont actuellement garés chez les propriétaires en attendant que les routes soient praticables. Difficile de trouver un véhicule de déplacement à Guihanga actuellement. Les riziculteurs disent qu'ils ne peuvent pas récolter le riz car il est en dessous de l'eau. C'est entre la 6e, la 7e et la 8e transversale. Même d'autres cultures comme le maïs, le haricot, le soja et autres pourrissent sous ces eaux de la rivière Kajeke, selon les cultivateurs contactés. Au niveau de l'administration à Guihanga, on explique qu'on est en train de tout faire pour résoudre ce problème. Lors de la descente ce lundi de 4 ministres à Guihanga pour constater les dégâts, le ministre de l'Intérieur a recommandé que tout le matériel soit disponible et que les travaux de curage de la rivière Kajeke soient terminés d'ici jeudi de cette semaine afin de remettre cette rivière dans son lit initial. Space Caritas Kawanyana, Guihanga, Radio Isanganiro. Merci Space, je vous l'avais dit dans les titres, toutes les activités liées à l'exploitation des mines et carrières en zone Kabouye de la commune et province Kayanza sont temporairement suspendues. Décision de Rémi Tshishahayo, au gouverneur de la province Kayanza, c'était ce lundi dans une réunion des administratifs et tous les intervenants dans le secteur minier dans cette circonscription C'était après une descente sur terrain qui a été effectuée sur la colline Kinyamukizi où ses activités d'exploitation des mines et carrières se font sans se conformer aux lois et règles régissant le code minier, surtout celles liées à la protection de l'environnement. Patrick Saint-Guillaume. Selon le gouverneur de la province Kayanza, certains de ces exploitants des mines et carrières qui ne se conforment pas à la loi régissant ce domaine sont essentiellement ceux qui ne réaménagent pas les sites d'exploitation après leurs activités, d'autres qui exploitent anarchiquement en ne respectant pas le périmètre des zones d'exploitation, d'autres encore qui exploitent les carrières près des routes. Hormis ces exploitants déjà cités, d'autres exploitent près des maisons d'habitation de la population, de ce qui, d'après le gouverneur de la province Kayanza, fait entraîner des accidents. C'est dans cette optique que nous avons pris cette décision de suspendre toute activité liée à l'exploitation des mines et carrières en cette zone de Kaouye, a précisé Rémi Chichahayo. Une commission ad hoc a été mise en place pour étudier comment pallier à tous les problèmes qui hantent le secteur minier en zone de Kaouye de la commune et province Kayanza, afin d'amener quiconque se lancera dans ces activités à travailler dans le strict respect de la loi. Certains des exploitants miniers qui étaient conviés à la réunion ont saisi cette occasion pour dénoncer certains employés de l'Office burundais des mines Antenne Kayanza qui leur demandent de la corruption pour leur faciliter l'acquisition des documents nécessaires pour exploiter. À cette question-là, Rémi Chichahay, le gouverneur de la province Kayanza, leur a demandé de travailler en se conformant à la loi et dénoncer tout ce qui leur demanderont de la corruption. Au terme de cette réunion, cet administratif et provincial à Kayanza a demandé à la brigade anticorruption Antenne Kayanza de mener des enquêtes approfondies sur ces cas de corruption et traduire devant la justice quiconque sera accusé de cette mauvaise pratique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour Radio Isanganiro. Et on termine ce tour de certains de nos correspondants par Ngozi où nous retrouvons Apollinaire Muzagara. Il nous rapporte que le chef-lieu de la commune, Busiga, fait face à un manque d'électricité depuis une semaine. Les conséquences, pas mal d'activités sont paralysées, notamment l'enseignement en cette période de fin d'année scolaire et particulièrement les écoles à régime d'internat selon le directeur communal de l'enseignement à Busiga. Le responsable de l'électricité à la régie des eaux, Ngozi, parle d'un transformateur en panne. Norbert Mourikiye tranquillise et déclare que sous peu, cette ligne sera réhabilitée car les travaux sont en cours. Ngozi en ligne, Apollinaire Muzagara. Parmi les personnes qui grognent figurent des tenants de salons de coiffure, des vendeurs de lait et d'autres activités nécessitant de l'électricité. Certains disent ne pas comprendre comment une semaine peut s'écouler sans courant électrique alors qu'il y a des orphelinats, un centre de santé et des écoles, voire un régime d'internat, comme le lycée Busig. Les élèves disent avoir du pain sur la planche, à préparer des interrogations devenues monnaie courante en cette période tendant vers la clôture de l'année scolaire 2020-2021. Tous demandent à la régie des eaux de résoudre le plus tôt possible ce problème. Ces coiffeurs dont Busiga indiquent qu'ils ont actuellement de la peine à nourrir leur famille. Le responsable de l'électricité à la régie des eaux dit que Busiga sera bientôt réalimenté en électricité. Norbert Ngurikiye indique qu'une équipe de maintenanciers en provenance de Bujumbura est en Ngozi et est pour le moment à pied d'œuvre. Donc Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et en bref, en international avant la chronique santé, une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé lundi les banques et les services publics à Bamako. Et c'est une grève de 4 jours après l'échec de négociations avec le gouvernement sur les salaires, les primes et les indemnités. Et plusieurs chefs d'État africains sont arrivés ce lundi à Paris, la capitale française, pour participer au sommet consacré au financement des économies africaines et la récurrente question de la dette. Le sommet qui débute ce mardi à Paris, doit permettre de trouver les solutions pour la relance de l'économie des pays africains plongés dans une récession sans précédent en raison de la pandémie de la COVID-19. Et l'OFMI, le Fonds monétaire international, a prévenu fin 2020 que l'Afrique risquait de ne pas être à la hauteur de son développement avec un déficit financier de 290 milliards de dollars jusqu'en 2023. Et plusieurs appels à l'allègement de la dette africaine ont été lancés au début de la pandémie. Radio Isanganiro, chronique santé. Le trouble bipolaire est une maladie psychique responsable de dérèglements de l'humeur, avec le plus souvent une alternance d'états d'exaltation et de dépression. Le psychologue et fondateur de l'association des psychologues sans vacances, Eric Hassabou-Moutima, fait savoir que cette maladie peut être héréditaire, liée à la consommation excessive d'alcool ou de drogue ou la présence de facteurs de stress dans la vie de la personne. Les hommes sont les plus touchés par la maladie. Ornella Mojo. Une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions difficiles à maîtriser avec une intensité démesurée. Eric Asamutima, psychologue et fondateur de l'association des psychologues sans vacances, fait savoir que lors d'un épisode de manie qui peut durer jusqu'à 3 mois, le patient manifeste plusieurs symptômes dont l'estime de soi démesurée, débit de parole accéléré ou accélération de la pensée, même lors d'un épisode de dépression qui peut durer plus ou moins 2 semaines, le patient manifeste d'autres symptômes comme la difficulté à se concentrer sur une tâche. Le trouble bipolaire est une maladie qui se manifeste par des épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité de la personne sont nettement perturbés. Ces perturbations consistent à certains moments en une élévation de l'humeur et une augmentation de l'énergie et de l'activité, ce qu'on appelle la manie. Le patient manifeste des symptômes maniaques, comme l'euphorie, l'instabilité, envie de communiquer, idées défilant en permanence. Il y a aussi, là où le patient manifeste, des symptômes dépressifs, comme l'angoisse, la perte d'intérêt au plaisir, le sentiment de culpabilité, de dévalorisation ou idées suicidaires, et une diminution de l'énergie et de l'activité. La phase dépressive dure au moins 2 semaines. À la phase maniaque, dire et moi, des mois. Le diagnostic des troubles bipolaires est essentiellement clinique, mais le psychologue Eric Asamutima précise que ça prend du temps pour confirmer la maladie, car plusieurs de ces symptômes peuvent être constatés à l'âge de l'adolescence. Le diagnostic de cette maladie prend longtemps. On confirme réellement que le patient a été de ces troubles à partir de 20 ans. Parce qu'à l'âge d'adolescence, le patient ou l'enfant manifeste des comportements d'adolescence. On ne peut pas même confirmer que ce sont des troubles. Parce que nous, quand on reçoit un patient malade au centre neuropsychiatrique, on peut les appeler des bouffées délirantes, mais pas troubles bipolaires. Parce que troubles bipolaires, c'est profond. On attend 10 ans à partir de 20 ans. Parce qu'on analyse les signes et les symptômes que le patient a manifestés. Selon ce spécialiste, suite aux facteurs favorisant la maladie, entre autres sociaux et environnementaux, les hommes seraient plus touchés par rapport aux femmes. Les causes de cette maladie sont vraiment très complexes. On peut dire que les causes sont bio-psychosociales. Les causes sont multifactorielles. Il y a des causes génétiques, il y a des causes psychologiques, il y a des causes sociologiques, aussi il y a des causes environnementales. Selon l'OMS, les personnes qui sont plus touchées sont les hommes plus que les femmes. Ça dépend des événements vécus des individus. Surtout les hommes abusent des substances psychoactives. Aussi, on peut hériter de nos parents cette maladie. Le traitement et la prévention des troubles bipolaires, le rendez-vous, c'est dans notre prochaine chronique santé. Merci, on est là, mucho. Merci Eric Asamutima pour ses éclairages sur le trouble bipolaire. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Alphonse. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.